Ce matin, j'ai peint ma tête en rouge. Les rues vidées m'ont vu passer. Et j'ai soufflé mes pétales brodés pour toi. Ce matin, j'ai chaussé mes petits pieds. Les rues vidées m'ont vu passer. Et j'ai pu traverser mon fleuve que ta mère n'engloutit plus. Paru.